Chapitre 3 de la cinquième partie Jalousie contre amour de La fille du pirate par Henri-Émile Chevalier. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 3. Jacques se retourna vivement. La vipère grise était devant lui. « Mon frère est-il convaincu de la vérité de mes réponses ?» dit l'Iroquoise, en montrant Angèle et la mère Morlaix, qui s'étaient aussi penchées à la fenêtre et s'enquéraient de la cause du cri qu'on avait entendu. « Tes réponses, » dit le jeune homme sans déguiser sa colère, « tes réponses, que m'ont-elles prouvé? Suis-je plus avancé maintenant que je l'étais avant ma visite à ta hutte? Crois-tu que je ne savais pas ce qui se passe ?»« La fureur est aveugle, » reprit sentencieusement la sorcière. « Si mon frère n'avait pas confiance en Manitou, pourquoi donc aussi mon frère accuse-t-il la vipère grise? Ne lui a-t-elle pas enseigné ce qu'il désirait connaître ?»« Soit. Mais que veux-tu à présent? Qui t'a permis de surveiller mes actions ?»« La fureur est aveugle, » répéta l'Iroquoise. « Elle empêche souvent les guerriers de surprendre leur ennemi. »« Est-ce là tout ce que tu avais à me dire ?»« Les visages pâles aiment mieux parler qu'écouter. Pourtant, celui qui veut être fort et dominer les autres doit apprendre à se taire. S'il repousse les avis avant de les entendre, l'esprit des conseils s'éloignera de lui et la victoire ne marchera pas sur ses traces. « Éloignons-nous, » dit Jacques, « on nous observe. » Fin du chapitre 3 de la cinquième partie, enregistré par Nadine Ekerd-Poulet à Copenhague en décembre 2010.